matin je me lève tôt pour aller bien frais au boulot. C'est décembre, c'est quand même, attendez une flaque d'eau. En plus, je suis dans la merde, car il est bientôt 40, j'aurais dit de rien, et en plus, je suis pas parti. Alors marre les gens à être en retard, marre du contrôleur qui me fait pas peur, marre de ces heures qui passent trop tard pour bien décidé à attraper le métro, je cours en évitant les plaques d'eau. Bien évidemment, c'était le pas de trop qui m'a fait tomber dans cette bouche de métro. Wow, wow. Je suis dans la merde, car il est bientôt 50, j'aurai 20 minutes de retard, et en plus je suis toujours pas parti. Alors marre des gens à être en retard, marre du contrôleur qui me fait pas peur. C'est sans parler que à la sortie de ma chambre, il y a des rats remplis d'ombre. Et c'est alors que je me suis dit qu'il fallait que j'appelle Suzy. Qu'elle vienne combattre ce petit rat. Mais elle n'a pas de permis. Pas de permis, donc pas de soucis. Enfin, si un souci, je suis dans la merde. Car il est bientôt 60, j'aurai 30 minutes de retard. Et en plus, je suis toujours pas parti. Marre des heures, marre de ces heures, marre de ces gens. Cette fois, c'est parti, les pommes finales. Un aigle royal me court dessus, plutôt me vole dessus. Il m'attrape après m'avoir fait. Ce qui est bien, c'est qu'on n'avait jamais parlé de karaté dans une chanson avec des hérissons et des hameçons, mais aussi une jolie petite paire de chansons qui tient chaud aux pieds. Quand on est en été, y'en a pas besoin d'avoir faim, de manger du foin, et aussi des marsouins, des cousins, des petits rats. Enfin. Il me fout dans la merde, je suis dans la merde. Car il est bientôt 70, j'aurai 40 minutes de retard. Et en plus, je suis toujours pas parti. Elle marre les chants, marre de ses heures. On s'est attendu, marre de ses gens, il passe vite. Ça n'a pas l'air trop de temps, mais c'est pas grave. Pâleur, torpeur, froideur, ce contrôleur qui va trop vite. Trop vite à mon goût, alors je lui commence une petite chanson. Bonjour à vous, mon contrôleur. Bienvenue dans la froideur. Le chemin où le rêve, où les gens sautent dans les pinces. Venu du futur, au carbure, en bas des chaussures. Et si on arrive, c'est le printemps. mère, parce qu'il est bientôt 80, je ferai 50 000 de retard. Que je suis en retard, je suis dans la merde. Je suis embrouillé tout seul, je crois qu'on ne s'est pas pris, mon ami. Il y a un des deux qui te fait chanter. Après ce vieux guitar, il faut donner de la corde guitare. Danser comme un petit lézard. T'as oublié de parler du poulet, le petit poulet qui se baladait à la forêt avec son tiki le que j'ai perdu et son ami le crapaud. Le crapaud le crapaud j'ai quelques tickets de métro. Je ne mangeais pas, car il avait laissé tout ce qui baignait dans le calor. Quelques minutes avant. Quelques minutes avant. Je mets ce feu et les doigts. En buvant du calor. Mais ça, c'est notre musique. Il est temps d'arrêter. Et ma chouette 8 minutes pile, je vous propose. Ce que son maître a chanté, puisqu'on n'a plus que 6-5 heures.